À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation du Comité national coréen pour la paix, il y a eu un meeting commémoratif le 24 à Pyongyang en présence des membres de sa commission permanente, des cadres des organisations sociales, des citadins de Pyongyang et des hôtes d'honneur. Les orateurs ont retracé les activités dynamiques menées par le comité au sein du pays et à l'étranger pour détendre la tension dans la péninsule coréenne, réaliser l'unité nationale et défendre la paix et la stabilité en Asie Nord-Est et dans le monde. Ils ont appelé les personnalités progressistes du monde attachées à l'indépendance, à la justice et à la paix, les organisations démocratiques internationales, ainsi que les comités de soutien et formation de solidarité à la réunification coréenne, à s'engager dynamiquement dans la lutte pour condamner catégoriquement la politique d'hostilité américaine envers la Corée et réaliser la paix et la sécurité de la péninsule coréenne en Asie Nord-Est et dans le reste du monde et la coprospérité de l'humanité. Les participants ont finalement vu les photos des activités du comité susmentionné.